Émile Zola, Les Repoussoirs, extrait du recueil Esquisses parisiennes, Charpentier éditeur, 1890. À Paris, tout se vend. Les vierges folles et les vierges sages, les mensonges et les vérités, les larmes et les sourires. Vous n'ignorez pas qu'en ce pays de commerce, la beauté est une denrée dont il est fait un effroyable négoce. On vend et on achète les grands yeux, les petites bouches. Les nez et les mentons sont cotés au plus juste prix. Telle fossette, tel grain de beauté représente une rente fixe. Et comme il y a toujours de la contrefaçon, on imite parfois la marchandise du bon Dieu. Et on vend toujours plus cher les faux sourcils faits avec des bouts d'allumettes brûlées, les faux chignons attachés aux cheveux à l'aide de longues épingles. Tout ceci est juste et logique. Nous sommes un peuple civilisé, et je vous demande un peu à quoi servirait la civilisation si elle ne nous aidait pas à tromper et à être trompés pour rendre la vie possible. Mais je vous avoue que j'ai été réellement surpris lorsque j'ai appris hier qu'un industriel, le vieux Durandeau que vous connaissez comme moi, a eu l'ingénieuse et étonnante idée de faire commerce de la laideur. Que l'on vende de la beauté, je comprends cela. Que l'on vende même de la fausse beauté, c'est tout naturel, c'est un signe de progrès. Mais je déclare que Durandeau a bien mérité de la France en mettant en circulation dans le commerce cette matière morte jusqu'à ce jour qu'on appelle laideur. Entendons-nous, c'est de la laideur laide que je veux parler, de la laideur franche, vendue loyalement pour de la laideur. Vous avez certainement rencontré parfois des femmes allant deux par deux sur les larges trottoirs. Elles marchent lentement, s'arrêtent aux vitrines des boutiques avec des rires étouffés et trament leurs robes d'une façon souple et engageante. Elles se donnent le bras comme deux bonnes amies, se tutoient le plus souvent, presque de même âge, vêtues avec une égale élégance. Mais toujours l'une est d'une beauté sans éclat. Un de ces visages dont on ne dit rien. On ne se retournerait pas pour la mieux voir, mais s'il arrive par hasard qu'on l'aperçoive, on la regarde sans déplaisir. Toujours l'autre est d'une atroce laideur, d'une laideur qui irrite, qui fixe le regard, qui force les passants à établir des comparaisons entre elle et sa compagne. Avouez que vous avez été pris au piège et que parfois, vous vous êtes mis à suivre les deux femmes. Le monstre, sur le trottoir, vous eût épouvanté. La jeune femme, au visage médiocre, vous eût laissé parfaitement indifférent. Mais elles étaient ensemble, et la laideur de l'une a grandi la beauté de l'autre. Eh bien, je vous le dis, le monstre, la femme atrocement laide, appartient à l'agence Durandeau. Elle fait partie du personnel des repoussoirs. Le grand Durandeau l'avait loué au visage insignifiant, à raison de 5 francs l'heure. Voici l'histoire. Durandeau est un industriel original et inventif, riche à millions, qui fait aujourd'hui de l'art en matière commerciale. Il gémissait depuis de longues années en songeant qu'on avait encore pu tirer un sou du négoce des filles laides. Spéculer sur les jolies filles, c'est là une spéculation délicate, et Durandeau, qui a des scrupules d'homme riche, n'y a jamais songé, je vous assure. Un jour, soudainement, il fut frappé par le rayon d'en haut. Son esprit enfanta l'idée nouvelle tout d'un coup, comme il arrive aux grands inventeurs. Il se promenait sur le boulevard lorsqu'il vit trotter devant lui deux jeunes filles, l'une belle, l'autre laide. Et voilà qu'à les regarder, il comprit que la laide était un ajustement dont se parait la belle. De même que les rubans, la poudre de riz, les nattes fausses se vendent, il était juste et logique, se dit-il, que la belle achetât la laide comme un ornement qui lui seyait. Durandeau rentra chez lui pour réfléchir à l'aise. L'opération commerciale qu'il méditait demandait à être conduite avec la plus grande délicatesse. Il ne voulait pas se lancer à l'aventure dans une entreprise géniale si elle réussissait, ridicule si elle échouait. Il passa la nuit à faire des calculs, à lire les philosophes qui ont le mieux parlé de la sottise des hommes et de la vanité des femmes. Le lendemain, à l'aube, il était décidé. L'arithmétique lui avait donné raison. Les philosophes lui avaient dit un tel mal de l'humanité qu'il comptait déjà sur une nombreuse clientèle. Je voudrais avoir plus de souffle et j'écrirai l'épopée de la création de l'agence Durandeau. Ce serait là une épopée burlesque et triste, pleine de larmes et d'éclats de rire. Durandeau eut plus de peine qu'il ne pensait pour se former un fonds de marchandises. Voulant agir directement, il se contenta d'abord de coller le long des tuyaux de descente, contre les arbres, dans les endroits écartés, de petits carrés de papier sur lesquels ces mots se trouvaient écrits à la main « On demande des jeunes filles l'aide pour faire un ouvrage facile. » Il attendit 8 jours, et pas une fille l'aide ne se présenta. Il en vint 5 ou 6 jolies qui demandèrent de l'ouvrage en sanglotant. Elles étaient entre la faim et le vice, et elles songeaient encore à se sauver par le travail. Durandeau, fort embarrassé, leur dit et leur répéta qu'elles étaient jolies et qu'elles ne pouvaient lui convenir. Mais elles soutinrent qu'elles étaient laides, que c'était pure galanterie et méchanceté de sa part s'il les déclarait belles. Aujourd'hui, ne pouvant vendre la laideur qu'elles n'avaient pas, elles ont dû vendre la beauté qu'elles avaient. Durandeau, devant ce résultat, comprit qu'il n'y a que les belles filles qui ont le courage d'avouer une laideur imaginaire. Quant aux laides, jamais elles ne viendront d'elles-mêmes convenir de la grandeur démesurée de leur bouche, ni de la petitesse extravagante de leurs yeux. Affichez sur tous les murs que vous donnerez 10 francs à chaque laideron qui se présentera, et vous ne vous appauvrirez guère. Durandeau renonça aux affiches. Il engagea une demi-douzaine de courtiers et les lâcha dans la ville en quête de monstres. Ce fut un recrutement général de la laideur de Paris. Les courtiers, hommes de tact et de goût, eurent une rude besogne. Ils procédaient suivant les caractères et les positions, brusquement lorsque le sujet avait de pressants besoins d'argent, avec plus de délicatesse quand ils avaient affaire à quelques filles ne mourant point encore de faim. Il est dur pour des gens polis d'aller dire à une femme « Madame, vous êtes laide, je vous achète votre laideur à tant la journée. » Il y eut dans cette chasse donnée aux pauvres filles qui pleurent devant les miroirs des épisodes mémorables. Parfois, les courtiers s'acharnaient. Ils avaient vu passer, dans une rue, une femme d'une laideur idéale, et il tenait à la présenter à Durandeau pour mériter les remerciements du maître. Certains eurent recours aux moyens extrêmes. chaque matin, Durandeau recevait et inspectait la marchandise racolée la veille. Largement installé dans un fauteuil, en robe de chambre jaune et en calotte de satin noir, il faisait défiler devant lui les nouvelles recrues, accompagnées chacune de son courtier. Alors, il se renversait en arrière, clignait les yeux, avait des mines d'amateur contrarié ou satisfait. Il prenait lentement une prise et se recueillait. Puis, pour mieux voir, il faisait tourner la marchandise, l'examinant sur toutes les faces. Parfois même, il se levait, touchait les cheveux, examinait la face, comme un tailleur palpe une étoffe, ou encore comme un épicier s'assure de la qualité de la chandelle ou du poivre. Lorsque la laideur était bien accusée, lorsque le visage était stupide et lourd, Durandeau se frottait les mains. Il félicitait le courtier, il aurait même embrassé le monstre. Mais il se défiait des laideurs originales. Quand les yeux brillaient et que les lèvres avaient des sourires aigus, il fronçait le sourcil et se disait tout bas qu'une pareille laide, si elle n'était pas faite pour l'amour, était faite souvent pour la passion. Il témoignait quelque froideur au courtier et disait à la femme de repasser plus tard, lorsqu'elle serait vieille. Il n'est pas aussi aisé qu'on peut le croire de se connaître en laideur, de composer une collection de femmes vraiment laides, ne pouvant nuire aux belles filles. Durandeau fit preuve de génie dans les choix auxquels il s'arrêta, car il montra quelle connaissance profonde il avait du cœur et des passions. La grande question pour lui était donc la physionomie, et il ne retint que les faces décourageantes, celles qui glacent par leur épaisseur et leur bêtise. Le jour où l'agence fut définitivement montée, où il put offrir aux jolies filles, sur le retour, des laides assorties à leur couleur et à leur genre de beauté, il lança le prospectus suivant. Agence des Repoussoirs, Paris, le 1er mai 1800, L. Durandeau, 18 rue à Paris. Les bureaux sont ouverts de 10h à 4h. Madame, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je viens de fonder une maison appelée à rendre les plus grands services à l'entretien de la beauté des dames. Je suis inventeur d'un article de toilette qui doit rehausser d'un nouvel éclat les grâces accordées par la nature. Jusqu'à ce jour, les ajustements n'ont pu être dissimulés. On voit la dentelle et les bijoux, on sait même qu'il y a de faux cheveux dans le chignon et que la pourpre des lèvres et le rose tendre des joues sont d'habiles peintures. Or, j'ai voulu réaliser ce problème, impossible au premier abord, de parer les dames en laissant ignorer à tous les yeux d'où venait cette grâce nouvelle. Sans ajouter un ruban, sans toucher au visage, il s'agissait de trouver pour elle un infaillible moyen d'attirer les regards et de ne pas faire ainsi de courses inutiles. Je crois pouvoir me flatter d'avoir résolu entièrement le problème insoluble que je m'étais posé. Aujourd'hui, toute dame qui voudra bien m'honorer de sa confiance obtiendra, dans les prix doux, l'admiration de la foule. Mon article de toilette est d'une simplicité extrême et d'un effet certain. Je n'ai besoin que de le décrire, madame, pour que vous en compreniez tout de suite le mécanisme. N'avez-vous jamais vu une pauvresse auprès d'une belle dame en soie et en dentelle qui lui donnait l'aumône de sa main gantée? Avez-vous remarqué combien la soie luisait en se détachant sur les haillons, combien toute cette richesse s'étalait et gagnait d'élégance à côté de toute cette misère? Madame, j'ai à offrir au beau visage la plus riche collection de visages laids qu'on puisse voir. Les vêtements troués font valoir les habits neufs, mes faces laides font valoir les jolies faces. Plus de fausses dents, de faux cheveux, de fausses gorges, plus de maquillage, de toilettes dispendieuses, de dépenses énormes en fard et en dentelle. De simples repoussoirs que l'on prend au bras et que l'on promène par les rues pour rehausser sa beauté et se faire regarder tendrement par les messieurs. Veuillez, madame, m'honorer de votre clientèle. Vous trouverez chez moi les produits les plus laids et les plus variés. Vous pourrez choisir, assortir votre beauté au genre de laideur qui lui convient. Tarif, l'heure 5 francs, la journée entière 50 francs. Veuillez agréer, madame, l'assurance de mes sentiments distingués. Durando. Nota bene. L'agence tient également des mères et des pères, des oncles et des tantes. Prix modéré. Le succès fut grand. Dès le lendemain, l'agence fonctionnait. Le bureau était encombré de clientes qui choisissaient chacune son repoussoir et l'emportaient avec une joie féroce. On ne sait pas tout ce qu'il y a de volupté pour une jolie femme à s'appuyer sur le bras d'une femme laide. On allait grandir sa beauté et jouir de la laideur d'une autre. Durando est un grand philosophe. Il ne faut pas croire pourtant que l'organisation du service fut facile. 1000 obstacles imprévus se présentèrent. Si l'on avait eu de la peine à monter le personnel, on eut plus de peine encore à satisfaire les clientes. Une dame se présentait et demandait un repoussoir. On étalait la marchandise, lui disant de choisir, se contentant de lui insinuer quelques conseils. Voilà la dame allant d'un repoussoir à un autre, dédaigneuse, trouvant les pauvres filles ou trop ou pas assez laides, prétendant qu'aucune des laideurs ne s'assortissait à sa beauté. Les commis avaient beau lui faire valoir le nez de travers de celle-ci, l'énorme bouche de celle-là, le front écrasé et l'air imbécile de cet autre, ils en étaient pour leur éloquence. D'autres fois, la dame était horriblement laide elle-même, et Durando, s'il était là, avait de folles envies de se l'attacher à prix d'or. Elle venait rehausser sa beauté, disait-elle. Elle désirait un repoussoir jeune et pas trop laid, n'ayant besoin que d'un léger ornement. Les commis désespérés la plantaient devant un grand miroir, faisant défiler à son côté tout le personnel. Elle emportait encore le prix de laideur, et se retirer, indigné qu'on eût osé lui offrir de pareils objets. Peu à peu, cependant, la clientèle se régularisa. Chaque repoussoir eut ses clientes attitrées. Durando put se reposer dans la jouissance intime d'avoir fait faire un nouveau pas à l'humanité. Je ne sais si l'on se rend bien compte de l'état de repoussoir. Il a ses joies qui rient en plein soleil, mais il a aussi ses larmes cachées. Le repoussoir est laid. Il est esclave. Il souffre d'être payé parce qu'il est esclave et qu'il est laid. D'ailleurs, il est bien vêtu. Il donne le bras aux célébrités de la galanterie, vit dans les voitures, mange chez les cabaretiers en renom, passe ses soirées au théâtre. Il tutoie les belles filles, et les naïfs le croient du beau monde des courses et des premières représentations. Tous les jours, il est en gaieté. La nuit, il en rage, il sanglote. Il a quitté cette toilette qui appartient à l'agence. Il est seul dans sa mansarde, en face d'un morceau de glace qui lui dit la vérité. Sa laideur est là, toute nue, et il sent bien qu'il ne sera jamais aimé. Lui qui sert à fouetter les désirs, jamais il ne connaîtra le goût des baisers. Je n'ai voulu, aujourd'hui, que raconter la création de l'agence et transmettre le nom de Durando à la postérité. De tels hommes ont leur place marquée dans l'histoire. Un jour, peut-être, j'écrirai les confidences d'un repoussoir. J'ai connu une de ces malheureuses qui m'a navré en me disant ses souffrances. Elle a eu pour cliente des filles que tout Paris connaît et qui ont montré bien de la dureté à son égard. De grâce, mesdames, ne déchirez pas les dentelles qui vous parent. Soyez douces pour les laides, sans lesquelles vous ne seriez point jolies. Mon repoussoir était une âme de feu qui, je le soupçonne, avait beaucoup lu Walter Scott. Je ne sais rien de plus triste qu'un bossu amoureux, ou qu'une laide, voyant le bleu de l'idéal. La misérable fille aimait tous les garçons dont son lamentable visage attirait les regards et les faisait se fixer sur celui de ses clientes. Supposez le miroir amoureux des alouettes qu'il appelle sous le plomb du chasseur. Elle a vécu bien des drames. Elle avait des jalousies terribles contre ces femmes qu'il a payées comme on paye un pot de pommade ou une paire de bottines. Elle était une chose louée à tant l'heure, et il se trouvait que cette chose avait des sens. Vous figurez-vous ses amertumes tandis qu'elle souriait, tutoyant celle qui lui volait sa part d'amour? Ces belles filles qui prenaient un méchant plaisir à la cajoler en amie devant le monde, la traiter en servante dans l'intimité, et elle l'aurait brisée par caprice, comme elle brise les magots de leurs étagères. Mais qu'importe au progrès une âme qui souffre, l'humanité marche en avant. Durando sera béni des âges futurs. Parce qu'il a mis en circulation une marchandise morte jusqu'ici, et qu'il a inventé un article de toilette qui facilitera l'amour.